J'ai brûlé les scénarios parce que j'aime les surprises. Je vais les pieds dans l'eau et je dois te la prise. Mon regard s'assombrit et mes mains se crispent. Et non, je ne partagerai pas mes contrées crisp. Le bien ne peut perdurer sans le mal. Avec la démence, j'ai atteint le paradis. J'ai perdu dans la tempête, j'ai jeté le mât. Et on troquera l'apothéose contre des radis. Nous, c'est PMU et pas l'UMP. Une bite de cheval dans le cul à l'an jupé. Nous, c'est PMU et pas l'UMP. J'ai ton MP3, soit démodé. Que t'emmener comme un sauvage dopé. Moi, ce que je voulais, c'était fumer l'opé. Moi, ce que je voulais, c'était fouquer l'opès. Et même que t'emmener, mec, je reste trompé. Que t'emmener. Que t'emmener. Dominer. Que terminé. Ce que je voulais c'était trouver le bonheur, hey. Moi tout ce que je voulais c'était trouver mon heure. Maintenant si c'est je baisse ton cœur. Par toutes les altères, j'adoutère le malheur. Tout ce que je voulais c'était vivre à plein temps, hey. Moi je voulais même plus montrer les dents, hey. Moi je voulais juste ouvrir l'œil. Si tu fais les dents, en même temps tu finis enfermé dans le cercueil. Moi je voulais foutre ma merde, tu suis pas venu pour rien. Je voulais faire la fête jusqu'au lendemain. Mais durer chaque réveil de plus en plus. Ce que je voulais c'était réaliser mes rêves. Mais la fin des moyens des différences brèves. Ce que je voulais c'était brandir mon glaive. Sans savoir qu'un gosse en dessous il laisse rester clair. On peut dormir ce champion sans casser de fenêtre. Grâce aux gens de sortie quand on sait pas où se mettre. Pas de cuisine de messe casse en casse une vitre. Viens jouer avec moi c'est pour ça que j'ai fait le pitre. Tu es étalisé comme un chevache dopé. Moi ce que je voulais c'était fumer l'opé. Moi ce que je voulais c'était fucker l'opé. Même si t'as lisé mec je reste au